Les journaux de divers pays ont traité le 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée. Le journal égyptien Al-Akhbar Al-Masai et le pakistanais Election Times ont fait éloge des exploits du général Kim Jong-il accomplis dans l'édification du parti, en soulignant qu'il a conduit le Parti du Travail de Corée à prendre pour guide les idées du tutsé du président Kim Il-sung et à les appliquer invariablement. L'Indien Oh Wei-king a publié un écrit titré « Par la force de l'unité monolithique ». International Media et le journal internet Le Mall de l'Indonésie ont présenté l'histoire des dizaines d'années de direction du parti par le général sous différents titres comme « Parti du Travail de Corée, organisation politique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il ».